Épigramme par François Maynard pour LibriVox.org, relaté par Sean McKinley, ce vendredi 14 juillet 2006 pour la fête nationale. Un rare écrivain comme toi devrait enrichir sa famille d'autant d'argent que le feu roi en avait mis dans la Bastille. Mais les vers ont perdu le prix. Et pour les excellents esprits, la faveur des princes est morte. Malherbe, en cet âge brutal, Pégase est un cheval qui porte les grands hommes à l'hôpital. Fin du poème. Cet enregistrement est dans le domaine public.